Mais il repart ton sang, ma bouche, il repart ton sang.

comforting words. Just put your head on my shoulders. Maybe you should be heard. But I hear the lies inside the walls. The stars are just so far. But there is no place for regret. So just memories. What thing is for sure I am. And what love is. This way to the best thing we did all night. I can't wait. We'll be right back. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, vous savez, le vendredi soir à partir de 19h, hein, c'est comme ça depuis pas mal de temps déjà. Aujourd'hui c'est la 610e édition de l'émission Mavrika et on va faire une petite émission bien tranquille comme ça entre les fêtes. Ça nous fera un petit peu digérer de manière à pouvoir attaquer le réveillon du jour de l'an en pleine forme, voilà. Donc aujourd'hui nous allons diffuser le maximum de musique, hein, comme on l'a fait ces dernières semaines. On a déjà commencé commencer avec de très bons artistes. Ce sont des artistes, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission Mavrika, ce sont les meilleurs artistes de la région orléanaise qui passent dans l'émission Mavrika. Et on a commencé par les Twister Covers, d'ailleurs qui devaient venir à un moment dans l'émission, ça a été annulé. J'espère que ça sera reporté dans les semaines qui viennent. Donc on va essayer de voir si des Twister Covers pourront revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur dernier travail. En attendant, on a écouté un morceau qui s'appelle Falling Rain. Juste après, c'était El Coyote et un groupe qui devrait venir aussi en 2025 dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on a écouté nous souhaite la bienvenue, c'est le titre Welcome. Nous avons aussi écouté Groovy Blues, interprété par BRS Band, un groupe que nous avons découvert cette année avec d'excellents musiciens et puis une très belle voix de chanteuse. Voilà. On a poursuivi avec les Halls 2.0, à ne pas confondre avec les Halls, parce qu'il y a les Halls et il y a les Halls 2.0 qu'on avait reçu ça fait bien une dizaine d'années dans l'émission Mavrika. C'est un groupe qui malheureusement, je pense, n'existe plus. En tout cas, c'était la séquence souvenir. Et on a écouté donc les Halls 2.0 avec Everything's Getting Better Since I'm Gone. Voilà. Juste après, c'était Wonderworld, interprété par les Strong Commons, un groupe de la région orléanaise. Et on vient d'écouter le titre des The Crossband, un groupe que nous avons découvert cette année, puisque c'est un groupe qui a été formé il y a quelques mois seulement. Le morceau qu'on a écouté s'appelle High and Humble, et quelque chose me dit que bientôt ils seront en concert sur Orléans, donc c'est vraiment un événement à ne pas louper, le groupe The Crossband. On va poursuivre avec que de la bonne musique, on est ensemble jusqu'à 22h, et je vous propose d'écouter tout de suite un groupe encore de la région que j'ai pas encore reçu, mais je pense qu'ils sont les bienvenus. En tout cas dans l'émission Mavrika, si vous avez envie de faire une émission avec nous. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez un groupe, si vous avez un projet, vous avez envie de passer dans l'émission Mavrika, n'hésitez pas à me contacter. Alors ça peut être sur le Facebook de l'émission Mavrika ou alors sur mavrika@live.fr. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h et je vous propose de continuer avec Last Rider avec No Way Out. Et juste après, ce sera le groupe Jash, Not To Die. De vous dire quelque chose, c'est approchez-vous de votre ampli, allez-y, vous approchez de votre ampli, juste en dessous du tuner, là, et là vous avez un bouton de volume, vous mettez tout à fond, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Yeah!

Plus de pulsions cupides, plus de cerveaux j'ai piqué dans la caisse. Le soleil est déjà haut et je roule vers toi. J'écoute à la radio un vieux blues qui dit comme ça. Tant besoin de toi. L'asphalte tremble dans les brumes de chaleur. Demain nous serons ensemble. Longue traversée du désert. Mais l'amour guide mes pas. J'aurais même affronté l'enfer. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. Le vendredi soir, c'est l'émission Mavriga. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'édition numéro 610. Et comme je suis tout seul dans les studios, il n'y a pas d'invité ce soir. Ben, on en profite pour récapituler un petit peu toutes ces années, hein, puisque ça fait bientôt 15 ans qu'on fait cette émission et on a reçu beaucoup d'artistes dans nos studios pour présenter leur travail. Et ce soir, ben, le centre de la France est à l'honneur. Donc, c'est un peu le centre du monde au niveau de la musique. Les meilleurs artistes de la région sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour présenter leur travail, comme je vous l'ai dit. Et là, on écoute par exemple le groupe Jack F avec un enregistrement qui avait été fait pendant l'émission, c'est-à-dire qu'ils ont joué vraiment en direct live. Heureusement, on enregistre tout et on diffuse avec beaucoup de plaisir tous ces morceaux qui sont des inédits. Vous ne les écouterez dans aucune autre radio. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Et juste avant, on avait écouté Neutral avec I Don't Care. Encore avant, c'était les Full System avec Oasis. Encore avant, on vous le présente plus, c'est le groupe Orpheum Black avec Midnight. Encore avant, c'était Jash avec Not To Die. On continue en musique avec, après Jack F, on va écouter un groupe qui chante lui aussi en français, que nous n'avons pas encore reçu dans l'émission Mavrika, mais ça ne saurait tarder, puisqu'on va essayer de caler ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est le groupe All, voilà, All, tout simplement. C'est pas All 2.0, comme on l'avait annoncé au début de l'émission, pour un autre groupe. Hein. Voilà, il y a une petite deux groupes qui ont presque le même nom. Et le morceau que je vous propose d'écouter maintenant, ça s'appelle La Valse des Fous. On est ensemble jusqu'à 22h et on a encore plein de bonne musique à vous faire découvrir.

Ce groupe était venu il y a quelques années dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un groupe qui s'appelle Hear the Silence et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle He Leaves His Home. Juste avant, c'était, vous l'avez reconnu, le groupe qui est déjà venu à deux reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on n'a jamais réussi à les avoir au complet, mais c'est le groupe Burning Heads avec Spirit of 68. Encore avant, c'était Sonic Lag avec All in My Head et on avait commencé cette série musicale avec All et la valse des fous. On continue sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Maurica avec les artistes de la région centre et on va retrouver Glazone avec Bad State of Mind. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. We'll be right back. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, tous les vendredis soirs de 19h à 22h. On est ensemble pour 3 heures de bonne musique, de la musique des musiciens de la région centre. Voilà, on est à Orléans, en plein milieu de la France, donc on est un peu le centre du monde ce soir avec la bonne musique. Voilà, on a écouté Hear the Silence avec He Leaves His Home, Glazone avec Bad State of Mind. Juste avant, c'était le dernier groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'était il y a 3 semaines, le groupe Skydroll. Skydroll, c'est un lubrifiant pour les avions, tout simplement. Hein. Et le titre qu'on écoutait, c'était Burn. Et à l'instant, c'était Psyché avec le groupe Delorto. La semaine dernière, je vous ai diffusé un petit souvenir. C'était un morceau qui avait été enregistré il y a plus d'une dizaine d'années ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un groupe qui était venu. Il s'appelait les 100 Miles. Et suite à la diffusion de leur morceau en acoustique, j'ai eu Morgan qui vit aujourd'hui aux États-Unis et qui m'a contacté via Facebook pour me dire est-ce que je pourrais récupérer le morceau, l'enregistrement, parce que lui il l'a pas, donc je lui envoyais bien évidemment, puisque ce morceau là c'est le morceau unique qui a été interprété en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Donc pour vous dire, on est fiers quand même, et c'était en acoustique. Cette fois-ci, je vous propose d'écouter la version de l'album, un superbe morceau en tout cas. L'album était excellent aussi, et malheureusement on regrette un peu ce groupe qui s'appelait les 100 Miles, mais heureusement les enregistrements sont là et on est là pour vous les faire écouter.

Combat pour Lucifer.

J'espère que tout se passe bien. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on écoute de la bonne musique. Vous inquiétez pas, je m'occupe du programme. Donc on a écouté plusieurs groupes, plusieurs artistes qui sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dernièrement. On a écouté les 100 Miles avec Falling Star, Drive to Amnesia avec Need a Change, Alex Lebaille avec La Vie, le The Margies Dream Pop Orchestra, un groupe que nous avons découvert cette année hein, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un groupe qui vient de la région parisienne avec un morceau qui s'appelle Tout foutre en l'air. Anaïs from Paris, comme son nom l'indique, il vient aussi de la région parisienne avec Tombola, Mayel avec Maman Pourquoi, et à l'instant c'était la voix de Pauline, Pauline à la plage, que nous avons découvert c'était au mois de janvier 2024 dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec une reprise de Niagara qui s'appelle Pendant que les champs brûlent. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on va continuer avec un groupe que vous connaissez bien, d'ailleurs ils vont se présenter eux-mêmes. Hein. Salut, c'est la Jarry, vous écoutez Albino dans l'émission Mavrika sur Arc-en-Ciel. Cauchemarder. Déclarer ma flamme. Voilà, on a écouté La Chérie avec Où sont passés mes rêves. Juste après, c'était les Comintern Sect avec Avoir 20 ans. Et à l'instant, voilà, c'est une perle. Voilà, il y a un morceau qui a été enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage. Les Red Daff, bah, ça fait un petit moment. Et il va falloir qu'ils reviennent dans les studios parce que franchement, c'est un groupe que j'adore et que ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Donc le groupe Red Daff avec une reprise de Luc qui s'appelle La Sentinelle. On va continuer justement avec un morceau qui a été enregistré aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage. C'était le 29 mars, si je dis ça de mémoire, hein, si je me souviens bien. C'était le groupe Chaparville. Franchement, une superbe découverte. Ils nous avaient fait énormément de morceaux en live. Si je me trompe pas, il devait en avoir 4, plus 4, ça fait 8, plus 5, ça fait 13. Donc ça fait quand même beaucoup de morceaux qu'ils ont interprétés. Et parmi tous les morceaux qu'ils nous ont interprétés, je les ai tous récupérés. Et ce soir, j'ai décidé de vous en diffuser un. Habituellement, c'est au piano et avec une très belle voix. C'est le groupe Coldplay qui chante une chanson qui s'appelle Trouble. Et cette fois-ci, c'est la version de Chaparville avec des guitares. On a écouté Chaparville avec Trouble, une reprise du groupe Coldplay, comme vous avez reconnu. Juste après, on a écouté Overdriver, c'est un nouveau groupe, et un groupe qui ne va pas tarder à venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors là, ça, c'est vraiment du rock enflammé, comme on pourrait dire, et ça ressemble un petit peu à, même le timbre de la voix, un petit peu à AC/DC, donc dans les bonnes années. Et à l'instant, on vient d'écouter le groupe Prisma avec Tell Me Why, et à propos de Prisma, je vous rappelle quand même qu'il a participé déjà au Mavrika Live numéro 13 il y a quelques temps, et il sera bientôt aussi en concert pour le Creekfest. C'est le 13 avril 2024, donc c'est à Fleury-Saint-André. Comme d'habitude, le Creekfest c'est toujours à Fleury-Saint-André, pour l'instant en tout cas, et ça sera la 3e édition. Il y aura donc le groupe Prisma, c'est du hard mélodique. Il y aura aussi le groupe Elixir, avec de Lévy et Mélodique, voilà, c'est comme ça qu'il le qualifie, hein, c'est pas moi. Hein. Et il y aura aussi le grand groupe que tout le monde connaît, qui a eu beaucoup de succès à une époque et qui est toujours là, hein, toujours présent, c'est le groupe Sortilège, donc c'est du Heavy Power, c'est à la salle Espace Loire, à Cléry-Saint-André, le 13 avril 2024. Et là, pour l'instant, on a parlé du Mavrika Live, il y avait le groupe Prisma, et il y avait aussi un autre groupe qui s'appelle Sika, et je vous propose d'écouter tout de suite le morceau qui s'appelle « Do Like Me ». Stop. Une superbe reprise de Where Is My Mind des Pixies, interprétée par Planet of Pixies. Voilà, juste après, on va écouter les Bad Sheep avec Broken Heart. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. I'm not afraid to

muchas gracias. Quand le mal est fait, alors je m'attache aux choses qui me correspondent. En vérité, si je m'écoutais, je serais plutôt d'humeur nauséabonde. Stop les idées hautes, stop les idées fausses. Si t'as des vœux, sache que seul le ciel te les exauce. Je me ressource grâce au doux parfum de la rose. Une mélodie, un peu de brosson, la musique, mon cœur explose. Comme une envie de respirer, je lâche le prix, je laisse aller. Yavanna sur Radio Arc-en-Ciel avec Je vis. Juste avant, c'était les Wheeland Guys, Je suis libre. Encore avant, c'était Chris et Léo avec La Déviation. Encore avant, c'était Jean and Penet, Whisper in the Storm. Et on avait commencé avec Bad Sheep, Broken Heart. Juste après, je vous propose d'écouter un groupe que vous allez retrouver dans le Creek Fest numéro 4. Parce que tout à l'heure, j'ai pris la mauvaise affiche. Encore, je me suis dit, tiens, il n'y avait pas 4 groupes, il y en a plus que 2, il y en a plus que 3. Et bien non, c'est celui de la dernière fois. Donc, Creek Fest numéro 3 que je vous ai annoncé tout à l'heure, c'était avec de très bons groupes. Et cette fois-ci, vous allez encore retrouver encore d'autres meilleurs groupes. Alors, il y a pour le Creek Fest numéro 4, cette fois-ci, ça se passe le 5 avril 2025, donc à la salle Espace Loire à Cléry-Saint-André. Et il y aura 4 groupes. Voilà, cette fois-ci, je me suis pas trompé. L'ouverture des portes, c'est à 18h30 et vous pourrez voir le groupe King Crown, c'est du heavy, c'est un groupe français. Il y aura le groupe Stratagem, c'est du hard, c'est un groupe français aussi. Le groupe Prisma, ce qui est un groupe de hard aussi cette fois-ci, qui est un groupe qu'on connaît bien, qu'on diffuse assez régulièrement dans l'émission Mavrica, et qui est un groupe français Et voilà. Et un dernier, c'est le groupe Benzine, un groupe que nous avons découvert depuis quelques semaines dans l'émission Mavrica, hein, tout simplement. Alors bientôt ils viendront dans les studios, ça j'en suis certain, puisque c'est des gens qu'on apprécie et qui sont contents aussi qu'on diffuse leur musique. Le groupe Benzine, qui est un groupe de rock, et je vous propose justement d'écouter un de leurs morceaux qui s'appelle, qu'on diffuse déjà depuis quelques semaines, qui s'appelle Saturday Night. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. On est vendredi, mais Saturday Night, c'est demain.

avec des putes, des couches tard. Je fais pas partie de ta famille, j'ai cette cocaïne. Pour 2 euros et un rail, tu te déshabilles. Se réveille à me casser les oreilles. Je suis bien sous la couette, je veux pas qu'on prenne la tête. Y'a des matins comme ça où vraiment je sens pas. Hors de question, je me lève, plutôt me mettre en grève. Je vais quand même pas craquer avant de commencer. J'ai comme un petit coup de blues, je ne me sens pas très bien. C'est pas ce que je gagne comme flouze qui me motivera ce matin pour aller voir mon chef et la tête des collègues pour faire le débrief. Ah non, franchement, je suis deg. Qu'est-ce qu'elle a la cafetière? C'est une vraie galère. L'en finit pas de couler. J'oublie de la détartrer. Y'a des matins comme ça où ça ne marche pas. Mais moi, pour attaquer la journée, vous savez, j'ai besoin de café. J'prends déjà plus de nicotine. J'ai comme un petit coup de blues. Je ne me sens pas très bien. C'est pas ce que je gagne comme flouze qui me motivera ce matin pour aller voir mon chef et la tête des collègues pour faire le débrief. Ah non, franchement, je suis deg. Qu'est-ce qu'elle a la radio? J'en veux plus des infos. Le monde est pas si mal, ça vous plombe le moral. Y'a des matins, c'est dur. Honnêtement, je sature, car enfin j'aimerais bien sentir l'ancien parfum des lendemains qui chantent. Mais chaque jour je déchante. J'ai comme un petit coup de blues. Je ne me sens pas très bien. C'est pas ce que je gagne comme flouze qui me motivera ce matin pour aller voir mon chef et la tête des collègues pour faire le débrief. Ah non, franchement, je suis deg. qu'est-ce qu'ils ont mis là, c'est encore un de cassé. Comme dit meilleur pote, tu devrais mettre des bottes. Y'a des matins, c'est mort, pour me faire un effort. Y'a vraiment que dans mon cuir que je me sens moi-même. N'en déplaise au cuir, à qui ça pose problème. J'ai comme un petit coup de blues, je ne me sens pas très bien. C'est pas ce que je gagne comme flouze qui me motivera ce matin pour aller voir mon chef et la tête des collègues pour faire le débrief. Ah non, franchement, je suis deg. Qu'est-ce qu'est la ma bagnole? Tous les voyants s'affolent, elle veut pas démarrer. Je viens de la faire viser. Y'a des matins, c'est moche. Y'a vraiment tout qui cloche. Je vais quand même pas pousser ou bien partir à pied. Bah ça y est, c'est gagné. Je sens que je vais craquer. J'ai comme un petit coup de blues, je ne me sens pas très bien. Le petit coup de blues, un petit coup de blues, exactement. C'est le titre de ce morceau de la bande à Pierrot. La bande à Pierrot qui a fait l'interscène au Mavrika Live, le dernier qu'on a fait. Et puis, effectivement, beaucoup de gens ont apprécié vraiment ces artistes. C'était un très bon moment, en tout cas. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Juste avant, c'était le groupe Dérapade avec Showbiz. Encore avant, c'était Doren Lo avec Kalashnikov. Et je vous propose d'aller faire un petit tour dans la musique américaine avec de Happy Goes Lucky Band et un morceau qui s'appelle Cat Is Down. Voilà. Non. Cat Is Clown. J'ai très mal vu. Voilà. Donc, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors, je vais dire les phrases magiques comme j'ai l'habitude de le faire à la fin de chaque émission. Déjà, everything is gonna be alright. Une vie sans musique serait une erreur et que le rock and roll soit avec vous. Voilà. Cette émission est bientôt terminée. C'est la dernière de l'année 2024. C'est l'édition numéro 610. Donc, on commencera l'année 2025 avec l'émission numéro 611 pour ceux qui ont suivi. Et, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je sais que 3 heures, ça peut paraître long, mais finalement, ça passe tellement vite et il nous en faudrait beaucoup plus, hein, des 3 heures comme ça. En tout cas, c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h, 3 heures de musique avec les artistes de la région orléanaise. C'est là qu'on découvre les artistes qui jouent autour de nous, donc qu'on peut aller voir assez facilement et surtout les encourager parce que ça, c'est vraiment important. Il faut aller au concert, il faut aller les applaudir, il faut aller hurler hein, carrément et leur dire combien vous aimez participer à ces événements. Voilà, cette émission se termine. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, déjà une bonne fin d'année, hein, parce que l'année n'est pas encore tout à fait terminée, il y a encore quelques jours, donc profitez-en bien. Et puis de toute façon, on se revoit pour le début de l'année prochaine. Je vous souhaiterai à ce moment-là la nouvelle année. Donc pour l'instant, ben profitez-en. Pour ceux qui sont au week-end, reposez-vous bien. Pour ceux qui sont en vacances, c'est pareil. Profitez un petit peu du temps pour être avec vos amis et sortir aussi. Et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure sur Radio Arc-en-Ciel. On écoute donc de Happy Go Lucky Band avec Cat Is Clown et juste après ce sera de Uncle Biker avec Love Is So Blind. Voilà, c'était l'émission Mavrika. Restez sur Radio Arc-en-Ciel, c'est une radio magique. you see me shed a tear, and you know that it's sincere. Sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Avançada a antena 1 pelo autarca viziense Fernando Rui.